chèvre, je suis vautré devant le téléviseur. Dans mon canap, je zappe les chaînes à 100 à l'heure. Y'a bien quelques programmes parfois intéressants, mais tous ces spots bordel de chiottes, qu'est-ce que c'est chiant. Je n'ose y croire, les infos sont arrangées. J'ai beau zapper, le poussin piou vient me narguer. Quand je tombe sur M6 boutique, je voudrais être mort, c'est la panique. Ma redevance m'a entubé. Je veux la garder, mais ma télé est saturée. Plus de mini sous de grève tentée. Ma télé est saturée. Maintenant des secrets se réinventent. Ma télé est saturée. Maintenant des secrets se réinventent. J'aime les séries, je veux pas me lever pour faire pipi. Je suis l'ange qui est désespéré, et là il me dit. Un enfant a été kidnappé, il va peut-être crever. Des pubs pour les violements suspens, je suis blasé. Et au football, la France reprend le brûler. Ça touche au chute batté pour le mordre. Quand je tombe sur plus belle la vie, la mienne peut-être vite raccourci. Et en concert, ces enfoirés faut que du playback, bref ma télé. Ma télé est saturée. J'avais pas besoin de ça pour dégueuler. Ma télé est saturée. Maintenant j'ai la vie à devoir supporter. Ma télé est saturée. Maintenant j'ai la vie à devoir supporter. Non mais allô quoi. Viens la Clara, ma belle, 4 sous des gigaformes m'échauffe le front. Moi j'aime Canal à l'heure des bouts. Tu es mon cours de vie sexuelle, ma source de fantasme éternel. J'aimerais apprendre j'ai que ma chienne. Ma télé est saturée. C'est la merde que monsieur Jean-Pierre comme tiré. Ma télé est saturée. Le rendu qui se sera drôle mais je vais pleurer. Ma télé est saturée. Le rendu qui se sera drôle mais je vais pleurer. Je me fais chier devant mon écran, mais ça passe le temps. Ciné, série, jeux vidéo, que de bons moments. J'ai l'abonnement à No Life en illimité. Je regrette rien sauf quand Haruhi est passé. Tenko, c'est pour les glandus. Et Koh-Lanta, n'en parlons plus. Même le sport, c'est que du chiquet. Regarde, Tina, c'est dopé. Quand je tombe sur les clips de musique, je veux me défoncer au Oriental Vic. La HD c'est bien inventé, c'est tout joli, mais ma télé est saturée. Mon portefeuille aurait pu me faire voyager. Ma télé est saturée. Ce soir, je la regarderai pas, je préfère bouquiner. Ma télé est saturée. Ma télé est saturée. Ce soir je la regarderai pas, je préfère bouquiner. Ma télé est saturée, je calcule tout ce qu'elle m'a coûté. J'aurais mieux fait de me faire prendre une prostituée. Ma télé est saturée, l'art devant c'est salé. Comme Laurent Girard, je ferais mieux de la flaguer. Tiens, t'as que ce que tu mérites.